Bon, derrière vous, donc, j'ai mis un peu de paille aujourd'hui. Donc, les vaches dorment en litière accumulée. Hein, elles sont confortables sur la paille propre. Et voilà. Bon, c'est un bâtiment qui a été construit en 86, hein, il y a quelques années déjà. Voilà. Au fond, sous le tas de pneus que vous voyez, on a la réserve de maïs. Hein, donc on doit couvrir la colmatation de l'herbe au mois d'hiver, mais aussi en été lorsque l'herbe se raréfie à cause de la sécheresse. Hein, on arrête de consommer le maïs au mois de mai et on le reprend au mois de juin lorsque la pousse de l'herbe est moins importante jusqu'au mois de septembre. Voilà. Bien. Où sont vos vaches ? Alors les vaches sont au champ, elles sont loin d'ici. Elles sont à 400 ou 500 mètres dans un champ où, comme vous avez pu le remarquer, on a un hiver doux. Donc les petits vers de terre dans la terre travaillent très très bien. Ils produisent de l'humus et l'herbe pousse assez. On a une production d'herbe cet hiver qui est assez importante. Donc on peut les laisser au champ. De 9h à 17h. Voilà.